Voici, à 1h50, l'intégrale des contes de Perrault. Sont rassemblés sous ce titre, d'abord, 8 contes en prose, publiés en 1697, sous le titre « Histoire ou contes du passé avec leur moralité » et sous le titre « Contes de ma mère loi ». Et pour terminer, un conte en vers, « Peau d'âne », publié en 1694. Enregistrement de Jean-Paul Alexis, décembre 2020.